Salut à toutes et tous, la tribu. Bienvenue dans la 77e Bumper Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur Archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike, et c'est la Bumper Freak, et je débarque dans votre salon comme chaque semaine à la même heure. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos messages que vous m'avez laissés la semaine dernière par rapport aux dédicaces que j'ai laissées. J'ai eu tous des super retours. Promis, il y en aura d'autres, des émissions avec des dédicaces. J'ai vu que ça vous plaisait beaucoup, donc il y en aura d'autres. On commencera tout de suite avec Warning de Quidditch. C'est sur l'album The Warning, leur deuxième album, sorti le 7 septembre 1984. On retrouve En Force, No Sanctuary, Child of Fire, notamment un album qui vieillit super bien. On continuera avec une nouveauté, Political Degassing de Intox Leader. Ils sont français et préparent un album. Des nouvelles très vite, ils ont une page Facebook, ils ont une chaîne YouTube. Viens liker et surtout partager Intox Leader. On continuera avec un vieux morceau sympathique, Nowhere Fast de Meatloaf. C'est sur l'album Bad Attitude, sorti en novembre 1984. On retrouve Modern Girl, Jumping the Gun et Sailor to a Siren. On continuera avec un classique, Plantation Heights de Dillinger. C'est sur l'album CB200, sorti en 1976. On retrouve Cocaine on My Brain, Powerbank et Race Day. Un classique de ces classiques en reggae. Et on finira ce bloc en live, avec Manu Chao des Vents Passent. C'est sur l'album Never Trust a Guy ou After Having Been Punk is Now Playing Electro, à la vôtre. C'était leur 8e album, sorti le 25 février 2003. On retrouve le Télégramme de Brest, Comme un Kenyan, Chocorev. Ils viennent de sortir un album Evangelisti. Promis, je vous le trouve. But I'm on the clue. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Bring it away! Bring it away! Jones call Ethiopian. Stepping out of Babylon. Most Babylon. Mercy, Lord. Lord of mercy. Go before us, Jah, go before us. And do thy work thyself. So we dally up a plantation night. Fi go check for the foresight. Fua. Fi swimming on the idol board. Jah and not to swimming on the idol board. In on the idol board. The dog over sea, cause the sea so sad. Not to dread find fault. Him said the sea too sad. Said him don't take headers and him don't eat deaders. Him swimming on the idol board. Said a naughty dread don't wonder. Cause him not check propaganda. Him hung a sat over yonder panchacha veranda. I smoke marijuana. Then I saw him come on. Come see ya. You come on at the dance and you don't make one. Come on at the dance and you don't make one. Cause you love up the music. Come on. We'll watch out, man. Say that you, Mr. Telegram. Mercy, Lord, shouldn't send for this telegram. So we dally up a Pegasus. I figure check Uncle Rufus. So we chat Kentire. Figure check bag of wire. Fi bunny with the fire. At a fire burn bag of wire. At a fire burn bag of wire. Mercy Lord. Come make we sing a Ethiopian song. We sing Revelation song. Sounds call Ethiopian stepping out of Babylon. God of Babylon fall. We down in a Babylon a very long time. And we want to come over. Before us, Jah go before us. Oh! Vous êtes toujours dans la 77e Vapeur Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là pour débuter. Warning de Queensrÿche, Politician Degassing de le nouveau Intox Leader, Noberfast de Meatloaf, Plantation Height de Dillinger et on a fini en live avec Manu Chao des Vents Passent. On poursuivra cette émission avec Deathknell de Ghost. C'est sur l'album Opus Eponymus, sorti le 18 octobre 2010. On retrouve Conclavi, Condio, Satan Prayer et Prime Mover. On continuera avec une nouveauté, Break the Silence, le nouveau Interdrive. C'est sur l'album Aetheral, leur premier EP sorti en 2017. On retrouve Aetheral, Break the Silence, Another Day, Smile for the Picture et Sven. Vivement un album, je sais pas moi, 10-12 titres. Ils sont sur FB, allez, et aussi sur Bandcamp. Viendez, likez et surtout partagez un Drive. On continuera avec une autre nouveauté, Liberticide de Voice of Winter, c'est sur l'album Childhood of Evil, sorti fin 2016. On retrouve Ladies, Chrome et Damocles. Allez sur la page Facebook de Voice of Winter, ils ont un bandcamp, il y a tout ce qu'il faut. Viendez, likez et surtout partagez. On continuera avec In the Dark de Toots and the Metal, c'était aussi le titre de cet album sorti en mars 1973. On retrouve Having a Party, Take a Look in the Mirror et Revolution entre autres. Du reggae, oui, et du culte. Et on finira ce bloc en live avec Can I Play with Madness et en vinyle aussi, j'ai oublié, de Maiden. C'est sur l'album A Real Live One sorti le 22 mars 1993. On retrouve Be Quick or Be Dead, Wasting Love et bien entendu Fear of the Dark. Yeah. begging. I know that you can, I know that you will, I know you'll break the silence. We'll be right back. Vampire Frix, à l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Let's see if you remember. How does it go? A one, a two, a one, two, three, four. Can I play? Vous êtes toujours dans la 77e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Death Knell, The Ghost, Break the Silence, le nouveau Interdrive, Liberticide, le nouveau Voice of Winter, In the Dark, le nouveau Toots and the Metal. Et on a fini ce bloc en vinyle et en live avec Can I Play with Madness de Iron Maiden. On continuera ce bloc avec une nouveauté, My Little Rock'n'Roll de Danko Jones. C'est sur l'album Wildcat qui vient de sortir. On retrouve I Got a Rock, You Are My Woman et White Cat entre autres. Je vais essayer de vous le trouver des nouvelles très vite. On continuera avec un bon son cassette. I Want It All de Queen, c'est sur Greatest Hits 2, sorti le 28 octobre 1991. On retrouve A Kind of Magic, Under Pressure, Hammer to Fall, enfin bref, le Greatest Hits. On continuera ensuite avec une nouveauté, quart de siècle, le nouveau Smash It Combo, c'est sur l'album Playmore, sorti fin 2016. On retrouve In The Game, Time Attack et Le Vrai du Faux. Allez faire un tour sur la page Facebook de Smash It Combo, ils sont sur Bandcamp, ils sont sur YouTube. Allez-y, viendez liker et surtout partagez. On poursuivra avec The Nurse de The Slakers, c'est sur l'album Wasted Days, sorti en 2001. On retrouve Please Decide, Sermon et Walking On, un excellent album ska reggae, et on finira ce bloc en live et avec du son culte The Red and the Black de Blue Oyster Cult, c'est sur le live On Your Feet or On Your Knees, sorti en 1975. On retrouve The Subhuman, Bugs Boogie et Cities on Flame, du pur son culte. You look so good when you get out of bed, you're always ready. You looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude, dripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all four. Most anything, especially when you're licking your lips. pas la frappe comme si rien ne comptait. Comme si dans tout ce que j'avais fait, y'avait rien de concret. Maté petit bout de ma vie comme un épisode pilote. Tout s'en mêle dans ma tête. On va après 5 ou 6 shots. On est les victimes d'hier, les bourreaux du futur. Les ringards de demain, des cavaliers sans monture. Ancrés dans nos pensées, bien souvent on s'égare. On est les reliques du passé, disquette 5 ou 5 quarts. On est des produits périssables qu'on déjà à la poubelle. On a une date de péremption qui arrive bientôt à terme. Comment prendre le train en marche? On vit en dégâts. On a du mal à rattraper les années qui on sépare. Alors comment trouver sa place qu'on fait de génération? C'est comme ranger toutes mes consoles dans mon meuble de salon. J'ai des questions en tête, trop peu de solutions. Je vais me laisser 5 ou 10 ans avant de devenir un vieux con. Yeah. On est les reliques du passé. On est des vestiges délabrés. Yeah. whiskey. The southern draw crawling over me quickly. You see, I've been lied to, laughed at, and cried to. But I'll no longer be twisted and tied to. Thank you. Vous êtes toujours dans la 77e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. My Little Rock'n'Roll, le nouveau Danko Jones, I Want It All en cassette de Queen. Désolé, hein, c'était une vieille cassette, elle est un peu ramassée. On a continué avec Quart de Siècle, le nouveau Smash It Combo. On a écouté ensuite The Nurse de The Slakers. On a fini ce bloc en live avec The Red and the Black de Blue Oyster Cult. On continuera avec un bloc nouveauté. Ouais, il y a quasiment que des nouveautés et du bon gros son. Donc on commencera tout de suite avec Rising Mind, le nouveau Mobius, c'est sur l'album The Line, sorti en septembre 2016. On retrouve Cosmopolis, Amazing World et Dark Fat Fates. Allez faire un tour sur la page Facebook, ils sont aussi sur Bandcamp. Viendez liker et surtout partagez. On continuera avec une autre nouveauté, Le Dernier Voyage de Black Bart. Le titre est issu d'un album qui va venir courant avril. Je guette. Allez sur la page Facebook de Black Bart, ils sont aussi sur Reverb Nation. Viendez liker et surtout partager. On continuera avec une autre nouveauté, Mr. K, le nouveau Black Soul, c'est sur l'album The Contract, c'est un premier EP, 5 titres, sorti en 2017. On retrouve Madhouse, The Contract, Mr. K, Between Night and Day et License to Die. Ils sont en concert le 11 mars à Toyac dans le 43 avec les groupes amis de Foxhole et X5 du collectif de l'œuf de pierre. Et d'ailleurs, pendant qu'on est en train de parler de l'œuf de pierre, n'oubliez pas, le 18 mars à 20h30 à la Maison pour tous de Shadrach, il y a la soirée spéciale, enfin le Shadrach Metal Fest avec Mad, Ozzy, Tribute Ozzy Osbourne et Best of Metallica. Je serai sur place pour interviewer les groupes et je prépare une émission spéciale. C'est pour ça qu'il faut garder des munitions, comme diraient les shérifs, sur leur album Soleil de Plomb sorti en 1993. On retrouve À la chaleur des missiles, Pas besoin d'un dessin et Bon à rien. Et comme l'erreur est humaine, on finira ce bloc en live avec Ere Humanum Est de Hubert Félix Kiefen. C'est sur l'album 15 Tour 17. On retrouve Médiocratie, Syndrome Albatros et Bipède à Station Verticale. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org.

Vous êtes dans la 77e Vampire Freak, c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bon bloc de nouveautés là. Raising Man, le nouveau Mobius, le dernier voyage de Black Bart, le nouveau Black Bart, Mr. K, le nouveau de Black Soil, Garder des munitions, une bonne vieille cassette des shérifs, et on a fini ce bloc en live avec Ere Humanum Est de Hubert Félix TFN. On poursuivra cette émission avec Moment Idéal de Yannis Audois. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti en 2014. On retrouve Rouge Zone Vert, Laissez Rouler et plein d'autres. Il vient de sortir un single, La Maison ne fait plus crédit. Ça sent le nouvel album, des news très vite. On poursuivra avec un classique, un vinyle, Les Templiers de Trust. C'est sur l'album Mars ou Crève, leur troisième album sorti en 1981. On retrouve Le Sauvage, Répression et Ton Dernier Acte. C'est la version française de Your Latest Jig de AC/DC avec Bon Scott. Et il l'a faite pour le décès de Bon Scott. On continuera ensuite avec Gotha Getaway de The Offspring. C'est sur l'album Smash, leur troisième album sorti le 8 avril 1994. On retrouve Time to Relax, Bad Habit et Comme un ten play. On continuera ensuite avec Sabotage des Beastie Boys. C'est sur l'album Free Communication, leur quatrième album sorti le 23 mai 1994. On retrouve Fout Guys, The Update et Ricky Tame et plein d'autres.

eux, des guerres de religion et leur nouveau messie. Guardia nationale, Javanon, merci. Au bas d'un territoire, ignorant le désespoir, il y a tant de poids dans leur cause à gagner. Leur fusil contre leur poignard ciselé, bon partisanat combattant entraîné. Le silence royal est la haine de l'occupé. Mais face à la maudite en rouge, tu y inscrite. Sur les dossiers pesants des bourreaux, croyants, Irlande de taille de féminin cercueil. Chemise blanche, assassiné en avalanche, reparti en croisade. Ce pays tue la mort et le désir de fuir. La jungle sans issue, rose et pire en apathie. Les corps de répression face aux camps de réfugiés. Le Salvador lui continue de saigner. On meurt plus aujourd'hui dans ce pays tropical où l'on égorge la suspicion idéale. La paix de 10 000 morts et la colère qui gronde. Assassiné en avalanche, reparti en croisade, Jean Salvador. Adieu pour les riches, adieu pour les pauvres, adieu pour le juste, le respect d'un juste. Ah mais c'est moi qui vous remercie les Zebda. On vient de se faire Moment Idéal de Yannis Audois, Les Templiers en vinyle de Trust, Gotta Getaway, The Offspring, Sabotage des Beastie Boys, et on a fini ce bloc en live avec Motivé de Zebda. Cette 77e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. J'espère vous retrouver le 18 mars à Shadrack, à la Maison pour tous, à 20h30 pour le concert Metal Fest. Et on finira cette émission avec Comme un boomerang de Serge Gainsbourg. Et oui, un morceau rare chanté par Gainsbourg. On connaît tous la version duo, d'ailleurs elle avait été créée en duo au départ. Donc on connaît tous la version duo de Danny et Étienne Dao, sortie en 2000. Perso, c'est un morceau que je connaissais pas, mais j'ai reconnu direct la plume de Gainsbourg. C'est un morceau qui me touche beaucoup. Ça fait 26 ans qu'il est décédé. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archives.org. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu! J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire quand la bringue, ton amour m'ont épuisé. Pas monté. Je sens des boules de bande agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés, assommé comme de dingue, comme de fous amis. Sache que ce quelques angles pourraient un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens le boom et le bang agiter mon cœur blessé. L'amour, comme un boomerang, me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue. Séducteur passé, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des boules, des bangas, j'étais mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang, un homme revient des vies passées. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille, tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, des flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Je sens les poumons des bangas, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. La fleur et les larmes dingues d'un corps que je m'avais donné. Je vais l'écouter parce que... Voilà.